Le 29 août s'est déroulé à Pyongyang le cours pour les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Par ailleurs, le même jour, il y a eu au Palais de la culture du peuple à Pyongyang le cours pour les cadres du parti pour le renforcement de la direction du parti à l'égard des jeunes.